Je suis si heureux de pouvoir enfin goûter aux fruits délicieux d'un bonheur mérité. Notre bateau si frêle aura su éviter les écueils et les gouffres d'une mer démontée. J'ai gardé foi en toi, capitaine avisé. Suivant ce sentiment qui m'a toujours guidé, tel un phare éclairé d'une nuit. Je veux crier au monde, étaler au grand jour cette joie si intense que me donne ton amour. Cette fierté quand sans but nous marchons à l'entour. Que je t'aime pour...